On va jaser de sport aujourd'hui, passion sport qui s'en vient, hein, on parle de l'assurantia. Mais on a eu une équipe de hockey quand même assez forte dans la région ici à Thetford, le Canadien junior. Stéphane Garneau qui est avec moi, notre historien qui est avec moi encore aujourd'hui. Salut Stéphane. Bonjour Alain. Hey, une bonne idée de sujet d'entrevue, oui. Le Canadien junior. Moi, quand l'équipe, l'assurantia qui s'appelait les Coyotes a débuté, on me parlait de ça. Les plus anciens me disaient, elle fait passer dans le temps du Canadien junior. C'est gros dans le temps, ça, hein? Oui, et là, juste pour dire, avant de parler de l'origine, aujourd'hui, là, on va parler du Canadien junior, mais tout personnellement, tantôt, on va parler de leur parcours. Vous allez voir okay. Leur parcours phénoménal en 66-67. Et vous le savez peut-être pas, mais il y a déjà eu une équipe de Thetford Mines qui s'est rendue à la Coupe Memorial. Yes! Aujourd'hui, les gens ils comprennent pas, mais on en parlera un petit peu tantôt. Juste pour parler des origines. Oui, vas-y. Donc, en 1961, les éperviers de Thetford Mines, ils joignent les rênes de la Ligue Junior B des Cantons de l'Est. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas encore d'aréna, hein? Ben, c'est vrai. À Thetford, donc, ils allaient se domicile à la patinoire du Collège La Salle. OK! Fait que c'est là qu'ils commencent leur saison. Puis en 1964, quand ils bâtissent finalement l'aréna, les éperviers, ils changent de calibre, ils tombent pour un calibre supérieur, ils tombent dans la Ligue Junior A du Québec. Okay. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de Ligue Junior majeure du Québec. Ouais, c'est ça. Les meilleures ligues, c'est des Ligues Junior A, okay. Puis il y en a plusieurs. Okay. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a plusieurs Ligues Junior A dans la province. Okay. Mais la Ligue Junior A c'est du Québec, c'est probablement la plus forte ou une des plus fortes. OK, on est dans le gros calibre. Oui, dans le gros calibre. Puis du même coup, quand ils tombent dans la Ligue Junior A du Québec, bon, mais les éperviers vont devenir les As, hein, les As de Thetford deviennent un peu le club école des As de Québec, qui sont eux-mêmes affiliés aux Canadiens de Montréal. OK. Oui. Fait que, puis là, en mai, dès l'année suivante, là, les éperviers retournent dans la Ligue Junior B des Canons de l'Est. Toutefois, il y a un club qui va les remplacer dans la Ligue Junior A à Thetford Mines, ce sont les As juniors. OK. Du nom des As de Québec. Oui. Et c'est à cette époque-là que le goaler Rogatien Vachon va goaler à Thetford Mines. Ah, oui. C'est pour les As juniors. Une fois, il demande, il dit, c'était-tu le Canadien? Non, c'était alors qu'il portait encore le nom des As que Rogatien Vachon a goalé ici. Ben, gardien. Ça a été un grand gardien de but pour les plus jeunes. Là. Il a joué les Kings de Montréal, les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Fait que là, éventuellement, bon, ben, les As juniors vont changer de nom pour prendre le nom en 65 de Canadien junior. OK. Et, excuse-moi, en 66, on devient le Canadien junior. Et donc, on évolue dans la Ligue junior A du Québec. Et là, ça comprend qui cette ligue-là? Ouais, c'est ça. Je vais vous dire un petit peu là, les équipes qui évoluent villes, dans la ligue. Il y a à Port Thetford Mines, il y a les Blackhawks de Sorel, les Maple Leafs de Trois-Rivières, les Bruins de Shawinigan, les As juniors de Québec, les Rangers de Drummondville et les Braves de Sherbrooke. OK. Ça, c'est les équipes qu'on retrouve dans la ligue. Quand même des grosses villes, quand même. Là. Oui. Hein? Et on voit que les noms, c'est souvent des noms d'équipes de l'Orgueil. Ben oui, nationale, hein? C'est ça. Donc, mais là, l'année 66-67, ça va être une année là, vraiment record pour le Canadien junior de Thetford. Ah oui? On finit premier dans la Ligue pendant la saison, avec 33 victoires en 45 parties. Et là, une petite idée, là, les gens, pour donner là, qui pouvait jouer dans l'équipe. Oui. Gilbert Perreault. Oh. Qui a évolué plus tard pour les Stars de Buffalo. 24 buts, 39 points, 63 points. Excusez-moi, 24 buts, 39 passes, 63 points pendant la saison. Marc Tardy, oui. Qui a joué un petit peu pour les Canadiens, mais surtout pour les Nordiques de Québec. Oui, les premières années. 36 buts, 46 points, passes pour 82 points. Réjean Houle, Pinot, qui a joué pour les Canadiens. Oui. 30 buts, 30 passes pour 60 points. Mais c'était bon. Et il y a aussi Michel Dumois qui a été gardien de but pour les Blackhawks de Chicago. Oui, de Thetford. Donc, on peut comprendre que ça faisait une équipe assez forte. Là, mais oui, je ne l'ai pas dit, mais le Canadien junior, ça, c'est parce qu'on était affilié au Canadien de Montréal. C'est hein. ça. C'est pour ça qu'on remportait le nom de Canadien junior. C'est ça. Donc, on a fini, comme je disais, premier de la saison. Donc, on s'en allait premier avec les séries. En demi-finale, ils ont éliminé les Bruins de Shawinigan en 4 parties consécutives. Hein? 12-0, 8-3, 6-4 et 4-2. 12-0? Ouais. Ça commençait fort les séries éliminatoires. Ce qui fait qu'ils se sont rendus en finale de la Ligue. Okay. Et là, ils ont pogné les Maple Leafs de Trois-Rivières. Okay. Là, c'était un petit peu plus difficile contre les Maple Leafs de Trois-Rivières. Ça s'est fini en 7 parties. Oh. Et c'est, comme on dit, des fois, il y a en anglais, c'est des... C'est des victoires, là, c'est rien sur, à la maison. Les victoires ont eu lieu à la maison. Tout le monde a gagné chez eux. Hein? Puis à l'époque, c'était une partie ici, une partie là-bas, en retour. Fait que dans le fond, les parties ont fini 9-2 Thetford, 5-4 Trois-Rivières, 13-6 Thetford, 6-4 Trois-Rivières, 4-3 Thetford, 5-3 Trois-Rivières, et 7-2 Thetford. Quand ils jouent à Thetford, ils scoraient les buts. Hein? C'est ça. Et là, pour vous donner une idée, là, écoutez, je ne sais pas c'est quoi la capacité du centre Mario-Gosselin. Je ne suis pas sûr ce qu'ils vont dire avec le niveau de l'incendie, mais on dit que lors du match numéro 7, il y avait 4320 personnes dans l'aréna. Ici à Thetford? Oui. Et il y en avait un paquet qui était debout, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si on était encore limite. C'était pas assis, ça. Pour l'incendie, au niveau des incendies, on est encore non, en règle. On n'en parle plus. À 4320, mais... Donc, le club le remporte. Hein, on remporte le trophée Jacques Plante, parce que c'est le nom du trophée qu'on remettait au champion de la Ligue junior A du Québec. Et là, on vient de décrocher notre billet pour participer... pour avoir le droit de participer à la Coupe Memorial. Parce qu'à l'époque, comme je vous expliquais, il y avait plusieurs ligues junior A à la grandeur du pays. Si c'est pas à l'époque de la Coupe Memorial, là, je pourrais en parler dans pas long, c'était pas on prend les trois champions de ligue junior majeur plus l'équipe haute. Là. C'était on prenait plusieurs équipes champions de ligue junior A et on faisait un gros tournoi là, avec ça. Et la Coupe existait déjà? Oui, la Coupe, je vais en dire une chose, c'est pas long. Vas-y. Fait que pour pouvoir représenter le Québec, il y avait une place pour le Québec. Donc, ça prenait juste un champion de ligue junior A. Fait que Telford en gagnant, la Ligue junior du Québec vient de décrocher leur droit de participer un peu au tournoi du Québec. La Ligue junior étant la plus forte, ils ont évidemment accès à la finale au Québec. En demi-finale, c'est le Maple Leaf de Verdun. Ceux sont champions de la Ligue de hockey junior métropolitaine de Montréal qui vont affronter les Castors de Dolbeau, qui eux sont le champion de la Ligue de hockey junior du Lac-Saint-Jean. OK, oui. Et Verdun va battre Dolbeau, rejoignant Telford en finale du Québec. OK. Donc, en finale du Québec, Telford va affronter, comme je disais, Verdun, et ils vont l'emporter 3-1. C'était un 3-5. Telford a gagné? Oui, Telford a gagné. Ils ont battu Verdun en 3 parties. Ils ont perdu 5-2 la première game, mais après ça, ils ont gagné 5-3, 6-2 et 4-3 pour avoir officiellement leur billet pour le tournoi de la Coupe Memorial. OK. Là, je pourrais un petit peu parler des origines de la Coupe. Ben oui, non, ça la Coupe est créée en 1919 pour souligner les soldats canadiens disparus lors de la Première Guerre mondiale. À sa création, la Coupe est remise par l'Association de hockey de l'Ontario à la meilleure équipe de niveau junior A au pays. Donc, là, comme je disais, à l'époque, il y avait plusieurs... on divisait le Canada en deux grandes régions, l'Ouest et l'Est. Ouais. Et c'est comme un tableau. Imaginez-vous un peu le March Madness qu'on joue au basketball, là. C'est comme des tableaux, là, on s'affronte, puis c'est des séries, puis là, ben, le club passe à l'autre tour, et ainsi de suite, pour avoir, finalement, avoir deux équipes à la fin qui s'affrontent. Ouais, c'est ça. Et c'est pas, lui, dans un lieu unique. C'est vraiment, là, une série aller-retour, équipe haute, équipe de visiteuse, fait que des fois, j'allais voir que le premier tour, que t'as fait de pogner, ça peut être un petit peu plus loin pour jouer, là. Ouais. Donc, je vais vous nommer les équipes qui ont participé en 67, l'année que Telford ont eu leur billet pour y participer. Ben oui. Dans l'Ouest, on retrouve les Royals de New Westminster, qui représentent la Ligue de hockey junior A. D'Okanagan Mainline. Ça, c'est en Colombie-Britannique. OK. Les Movers d'Edmonton, qui vont dans la Ligue d'Hockey Junior de l'Alberta. Ouais. Les Macs de Saskatoon, qui eux sont dans la Ligue d'Hockey Junior de Saskatchewan. Les Gold Miners de Geraldton, qui représentent la Ligue d'Hockey Junior du Nord-Ouest de l'Ontario. OK. Les Mars de Port-Arthur, qui eux, c'est la Ligue Junior A de Thunder Bay. Et les Bombers de Flin Flon, qui vont dans la Ligue d'Hockey Junior du Manitoba. OK. Là, vous allez voir, il y a beaucoup d'équipes de l'Ontario. Oui. Dites-vous que c'est normal, parce qu'oubliez pas que qui remet le trophée, on a dit. C'est la zone de hockey de l'Ontario. Ouais. D'où pourquoi il y a plus d'équipes de l'Ontario qui participent au tournoi. Hein? Okay. Dans l'Est, où ce que Telford va être situé, il y a les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, qui existent encore aujourd'hui, qui jouent dans l'Ontario. D'Ontario. Ben c'est vraiment la zone de hockey junior du nord de l'Ontario. Okay. Les Royals de Cornwall, qui rentrent dans la Ligue centrale de hockey junior A. Le Canadien junior de Telford, les Canadiens d'Halifax. Et les Marlboros de Toronto, qui rentrent l'Association de hockey d'Ontario. Fait que vous voyez quand même beaucoup d'équipes de l'Ontario sur le tableau. Donc, le tournoi commence. Premier tour d'ici. Ouais, comment ça s'est passé pour Telford, là? Tu m'intrigues. Telford affronte les Canadiens de Halifax pour partir. OK. Dans le fond, eux, Halifax, c'est les champions de la Nouvelle-Écosse. Et pour décrocher leur billet, ils ont dû battre les champions du Nouveau-Brunswick pour avoir le titre de champion des Maritimes. Fait qu'en premier tour, comme je disais, on pogne les Canadiens d'Halifax. N'oubliez pas, là, c'est, comme je disais, c'est un assez aller-retour. Donc, deux matchs à Telford, deux matchs à Halifax. On revient à Telford, à Halifax. Donc, c'est loin un peu, là. Pour les games. Telford va l'emporter en 6 rencontres contre Halifax. Hein? En 6? Oui, en 6 rencontres. Et ce qui est bon à dire, c'est que la veille du premier match, il y a 16 joueurs de Telford qui sont handicapés par le choléra. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas grave. Ils remportent pareil 5-4 la première rencontre. Ils vont gagner la deuxième 7-3. La troisième 6-5, avec un tour de chapeau de Réjean Houle. Là, ils vont avoir une petite faiblesse. Ils vont perdre les games 4-5, 7-5 et 6-3 avant de gagner la sixième game 8-1. Avec un tour du chapeau de Marc Tardy. Ah oui? Oui. Okay. Fait que là, on vient de franchir le premier tour de la Coupe Memorial et on s'en va au deuxième tour où on va affronter les Royals de Cornwall. Ouais. Et là, ça va être encore plus expéditif. On gagne en 5 rencontres. OK. On va gagner 5-4, 7-5. Écoutez, pour la game de 7-5, on a un tour du chapeau de Gilbert Perrault. 2 buts pour Marc Tardy, puis 2 buts pour Réjean Houle. Les gros trios. Ouais. Hein? Après ça, on va perdre 6-4 et on va gagner 5-2 et 8-2. OK. Fait qu'on voit que là, ça... Il est expéditif. Ça là, va hein? bien. Et là, craqué. On se ramasse en finale de l'Est. OK. Donc, demi-finale. Donc, demi-finale dans... de la Ligue. La Ligue. Du Canada, et là, on apprend les puissants Marlboros de Toronto qui évolue au Maple Leaf Garden. Oh. Imaginez-vous, là, vous jouez ouais. à Tedford à l'aréna qui est l'aréna municipale à l'époque, il n'est pas encore ouais. le Saint-Marc Gosselin, ouais. et on va jouer au Maple Leaf Garden contre les Marlboros de Toronto. Impressionnant. Et là, ben là, c'était un 3-5, et là, malheureusement, il faut dire que là, Tedford n'a pas été vraiment taille, ça finit 3-1 pour Toronto. Okay. La série. Les Marlboros ont gagné 6-2 la première rencontre, Tedford 4-3 la deuxième, et là après ça, défaite de 9-1 dans la troisième et de 5-2 okay. dans la dernière. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est que Marc Tardy, qui était le gros pointeur ouais. de l'équipe, a été blessé la troisième rencontre. Okay. Donc on n'a pas pu jouer les games par la suite. Okay. Mais c'était tout de même, tu sais, je veux dire, on était. Tout un parcours qu'on peut être fier. Oui, on était quand hein? même à une victoire de participer à la finale. De la Coupe Memorial de 77. Et pour ceux qui veulent le savoir, les Marlboros sont les éventuels champions de okay. la Coupe Memorial de 1977 qui ont battu Port Arthur en okay. quatre parties en finale de la Coupe Memorial. Comment ça a fini l'histoire du Canadien junior, Stéphane? Ben, c'est ça, tout le monde a dit, là, il était fort en 1976-77, ben oui. il devrait être fort en 77-78. Non, et il va t'expliquer pourquoi. Les gros joueurs ont monté ben, dans c'est la ligue. Parce que hein? le Canadien de Montréal avait deux clubs affiliés. Okay. Il y avait le Canadien junior de Tedford et le Canadien junior de Montréal. Oui. Fait que l'année suivante, les Canadiens ont décidé qu'ils ont pris Marc Tardy, Gilbert Perrault et Jean Houle et ils ont transféré aux Canadiens juniors de Montréal. Ben oui, c'est logique aussi. Ce qui fait que là, Tedford, ben, tu comprends que là... Il, avait moins, ouais, il était moins fort là, cette année-là. Ils viennent hein? de se faire couper les lèvres sur le billet, fait que là, ils ont connu une saison beaucoup moins reluisante. Okay. Et en 69, ce qui va arriver, c'est qu'on va fusionner la Ligue de hockey junior A du Québec, va fusionner avec la Ligue de hockey junior A métropolitaine du Montréal métropolitain, okay. et Tedford ne sera pas retenu okay. comme ville pour avoir une franchise de la nouvelle Ligue de hockey junior majeure du Québec. Okay. Fait que malheureusement, ouais. le hockey de haut ça aurait pu se faire. Junior élite oui, c'est ça. Va disparaître de Tedford. Il va y avoir d'autres niveaux, d'autres ouais, oui. junior B, ouais, oui. entre avec les Braves. Mais il n'y aura plus jamais les de. Les noms sont arrivés, c'est ça. C'est ouais, ça, ouais. De junior élite okay. à Tedford. Hey, super intéressant, je t'écoutais. Puis, parce que, honnêtement, il y a plusieurs personnes qui l'ont vécu, qui m'en ont parlé. On dit c'était vraiment incroyable l'ambiance qu'il y avait. Quand tu parles de plus de 4000 personnes dans l'aréna, mais tu sais, juste en parlant qu'on peut voir Gilbert Perrault et Réjean Houle, Marc Tardy à Tedford. Et juste pour un petit mot, la prochaine chronique, Alain, oui. on se met dans l'ambiance, ça va être le temps des sucres. En caravane, allons à la cabane. Ouais. Hey, merci Stéphane. Alain. Prochaine.